mon ami, mon avenir, ma vie. Pardonne-moi ce visage inexpressif, rempli de tristesse. De nombreuses fois, j'ai dû te mentir ou me mettre dans la peau d'un autre. Des kilomètres entre la parole et l'acte, t'as fini par voir mon petit jeu d'acteur. Mais laisse-moi, je peux tout expliquer. Des fois, je fais des choses que je comprends pas. La nuit m'aide à méditer. C'est dans ces moments que je me dis que je vais changer. Je vais changer. Mes ennuis, mes envies, mes désirs, mes plaisirs ont pris le dessus sur ma vie de famille. Jusqu'à m'en détourner, l'argent détruit le cœur d'autrui. Je ne peux dissocier l'ennemi de l'ami. Tant pis, je ne veux pas te faire empire. Je préfère ton sourire dans un trou de souris. Mais laisse-moi, je peux tout expliquer. Des fois, je fais des choses que je comprends pas. La nuit m'aide à méditer. C'est dans ces moments que je me dis que je vais changer. Je vais changer. Assis dans le noir, occupé à compter mes défauts. Au fin fond du couloir, accroché à un atome d'espoir. Assis dans le noir, occupé à compter mes défauts. Au fin fond du couloir, accroché à un atome d'espoir.